potes plein de fric. Il est musicien et joue de la guitare électrique avec moi sur scène. Quand il joue trop fort, il fait du Larsen. Alors je lui dis, tu fais du Larsen en rue Pin sans bec. Je vous jure, c'est vrai, les mecs. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Les mecs qui disent, je suis né sur un camion citerne. Parce que j'ai les jambes arquées et il paraît que ça se voit. Je vais dire, c'est des conneries parce que le camion, en fait, il était pas citerne que ça, sans bec. Je vous jure, c'est vrai, les mecs. Jambes de bois, paille de fer. Si je mange, mais en enfer. L'autre jour, je me réveille avec la gueule de bois. J'avais une sale tronche et les yeux cernés. J'ai regardé mes yeux et je leur ai dit comme ça. Allez, rendez-vous, vous êtes cernés sans bec. Je vous jure, c'est vrai, les mecs. Cheval de bois, rideau de fer. Si je mange, mais en enfer. Il paraîtrait qu'un mec qui se décolore les cheveux, il a l'air d'un travelot et c'est ridicule. Il paraît que les travelots quand on avance circulent. Moi je trouve ça normal, c'est les travelots de recul. Sans bec, je vous jure c'est vrai les mecs. Gueule de bois, chemin de fer. Si je mange mais en enfer. Avec mon frère jumeau, on se ressemble vachement. Mais faut dire que nous deux, c'est lui le plus ressemblant. Le jour de notre naissance, deux scarabées sont morts. Dès qu'un enfant rentre dans la vie, un vieillard en sort. Sans bec, je vous jure c'est vrai les mecs. Paul Prébois, Gaston de Fer. Si je mange, je vais en enfer. Sans bec, je vous jure c'est vrai les mecs. Robin des Bois, Rochereau d'enfer. Si je mange, je vais en enfer. Sans bec, je vous jure, c'est vrai, les mecs. Dans la vie, faut pas s'en faire. Si je mange, je vais en enfer. Sans bec, je vous jure, c'est vrai, les mecs. On a beau dire, on a beau faire. Si je mange, je vais en enfer.